Coucou, Hello. ici Elkatou avec Nio et Nelson. Yes. Donc cette semaine c'est Gérard Armé. Gérard Armé s'est tenu en ligne. Donc on va vous parler de d'autres films qui n'ont rien à voir, mais aussi de un ou deux films qu'on aurait vus, notamment avec Nio, voilà, pour à cette occasion-là. Me concernant, je vous parlerai peut-être d'un film de la section si la semaine prochaine, parce qu'on peut pas tout parler non plus, quoi. Puis il me reste encore un film à part. Parce qu'à l'heure où on enregistre, en fait, les films sont encore dispo. Donc ils sont dispo bah, jusqu'au dimanche soir. Maintenant après, que dalle. Donc, et déjà, je trouve ça super bien. Moi, je sais pas vous, mais je trouve ça super bien qu'ils aient maintenu le festival en ligne. Il y avait un festival canadien qui avait fait un peu la même chose aussi, pareil, qui s'était tenu en ligne. Je pense que c'est une bonne solution pour assurer la continuité et qu'on n'ait pas l'impression non plus que la culture meurt encore plus. Voilà. Donc, chers amis, on va commencer par The Other Side de Tord Danielsson et Oscar Melander, qui est un film Voilà. suédois donc de la sélection de Gérard Armé. Ensuite, donc avec Nio et moi-même. Ensuite, Ocean's Eleven de Steven Soderbergh avec Nelson. Yes. Ensuite, Boys from County Hell de Chris Beau, de la sélection de Gérard Armé aussi, avec moi-même. La famille Adams de Barry Sonnenfeld avec Nio. Et Logan Lucky de Steven Soderbergh avec Nelson, qui visiblement est en train de se faire un cycle Soderbergh. Ouais. Parce Oui, que. alors Soderbergh, il y a du bon et du moins bon. Ah, mais justement, Ouais, c'est clair. c'est pas mal d'explorer un petit peu tout. Et on finira par The Cursed Lessons, qui est un peu mon préféré, en tout cas des quelques films que j'ai pu visionner, de Kim Ji-han et Jun Jae-hong. La Corée du Sud, une valeur sûre pour le cinéma. Exactement. Et donc on va commencer par donc The Other Side de Tord Danielsson et Oscar Melander. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ou je fais le pitch ou Nio? Bon, écoute, j'en parle un petit peu, mais en marrant un peu parce T'as que le film n'est pas le pitch sous rigolo. les yeux? Oui. Vas-y. Alors, nous avons un jeune couple qui emménage avec Lucas, qui est le fils de Frédéric. La madame s'appelle Shirin. Ils sont dans une nouvelle maison, qu'ils n'ont même pas regardé sur Internet, ni rien. Ils ont vu un coup de foudre, ils ont pris la maison. Oh, bah, c'est cool. Ils sont même pas renseignés sur ce qu'il y avait autour, ce qui s'est passé dans le coin. La première qui arrive, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais quand tu vois bien, tu fais, OK. Quelques jours après, Frédéric est contraint de s'absenter en semaine pour le travail. Et Après, Lucas attends, se attends, fait. attends, c'est très cliché, ça. Même dans les films américains, les mecs, quand ils emménagent dans des baraques, on dirait qu'ils l'ont pris avec par correspondance, hein. C'est-à-dire que c'est, C'est ça, oh, elle est c'est vachement bien! Oh, je découvre des pièces pendant mon emménagement! Mais t'as pas fait de Ouais, visite, mais c'est hallucinant. Ah, c'est alors? ça, ils ont pas fait fantasia. Ouais, Dès le non, début, mais. quoi, le papounet est obligé de s'absenter tout de suite, il laisse sa famille, comme ça, un peu dans la mouise. On sent que le gamin, il a un gros trauma dès le début, parce que c'est pas sa maman qui est là, sa maman, en fait, elle est morte d'un cancer. Et du coup, bah, c'est la belle-mère qui doit s'occuper du gamin, la belle-mère, Shirin. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans la maison d'à côté, on entend des bruits, bah, il y a peut-être quelque chose, un petit fantôme qui rôde, etc. Bon. Voilà. C'est le pitch en deux, trois trucs, quoi, qui semblent avoir été écrits sur du papier toilette. Donc, je sais pas ce que Katou va rajouter, mais voilà, pour en parler vite fait, bien fait, enfin, vite fait, mal fait du film. Les points positifs, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était très bien filmé. Alors, c'est une mise en scène très simple, basique, mais les rares mouvements de caméra, les plans, les travelling, la photographie du film, qui est assez jolie, avec des tons ocre, parfois lumineux, mais la majeure partie du temps, des tons bleus et gris, où on voit rien. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, bah, à propos du film, ils ont dit à chaque fois, mais rallume la lumière, putain! Non, mais ça m'a fait mourir de rire, parce que pendant tout le film, j'ai pensé, putain, on est en 2020, il faut arrêter avec les films où toutes les pièces sont tout le temps dans le noir. Ouais, Ouais, mais ça ça, c'est un fait truc un peu. aussi dans les, il y a plein de films, et plein de séries en fait qui veulent se donner un côté un peu dark et tout machin. À chaque fois, leur truc c'est de mettre peu de lumière et c'est super chiant parce que toi t'as l'impression que c'est ton écran qui se règle mal alors que non, c'est juste eux qui éclairent comme des merdes. Voilà, et le problème c'est que en 2021, on a déjà vu 12 000 films comme ça, souvent un peu plus vifs, hein, avec une photo beaucoup plus agréable. Et le problème c'est que quand j'ai vu le film en plus, je sais pas si Katou l'a capté comme moi, mais il y avait plein de références pendant le film et ça m'a gêné parce que je me suis un peu renseigné sur les réalisateurs. Ils viennent des séries télé, donc ils sont un peu faits la main, on va dire, pour le côté technique, tout ça, etc. Et à part un court-métrage pour Todd Danielson en 2010, voilà, c'est vraiment le premier long-métrage. Donc ils ont dû se dire, on a vu des films, etc., on a vu des références, c'est bon, on a capté le truc, on sait comment ça marche, on va faire notre truc. Ouais, mais non, parce que quand tu vois la petite balle qui arrive vers le gamin, avec ensuite, je peux jouer avec toi, putain, Shining, les plans en hélicoptère ou en drone vu dans la voiture en haut, etc. Putain, ouverture de Shining, putain. Ah, Quand tu tu vois les vois références, quoi. la mère qui va chercher son gamin à la garderie, putain, Darkwater. Et Ouais. voilà. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui ont dû relever aussi pas mal d'autres trucs, etc. Et Oui, le alors problème du c'est film, pas... Enfin, les références, tu étais en train de me les dire, hein. Donc, pendant qu'on m'attait, en fait, donc si tu veux, même si je les captais pas, c'est... tu me les ah, soufflais à bah côté. voilà, le truc, Après, c'est pas toujours dérangeant, en fait, ces histoires de références. Mais c'est clairement, en fait, ça, c'est vraiment pas la technique qui pêche là-dessus, à part le côté éclairage, y a quand même, c'est quand même très travaillé. surtout que Mais c'est vraiment, le film s'ouvre des défauts des premiers films, c'est-à-dire à vouloir mettre tout ce qu'on aime. Enfin, c'est souvent ça, souvent avec les mecs qui font leur premier court-métrage ou des trucs comme ça. Enfin, ou la première fois que t'as un mec qui a un vrai budget pour faire un vrai film, en fait, direct, il se dit, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais Remember mettre ça, quoi. Hein? the Void. Bah oui, Remember the Void. On avait parlé effectivement aussi. C'était peut-être le syndrome aussi, il avait voulu tout mettre dans The Void aussi. Bon. Après. Mais juste faire juste un aparté rapide sur le truc. C'est si sombre que ça, je veux dire, c'est comme est-ce que ça correspond bien à la réplique de comment il s'appelle Karim Debbache quand il parlait du film. Enfin, j'ai oublié le nom du film, mais genre à peine le mec a le temps de dire sous exposition qu'il y a déjà un monstre qui surgit, quoi. C'est genre, c'est tellement sombre, le film est tellement sombre que en réalité, t'as pas le temps de comprendre l'action. Oui, certes, et même à un moment, ils en jouent un petit peu. Mais en fait, le truc, c'est que c'est sombre, c'est chiant parce que c'est sombre, mais en même temps, ils en jouent. D'accord. C'est-à-dire que t'as, sur des mouvements de lumière ou même justement le coup du monstre qui surgit d'un coin sombre, tu vois, il nous le fait aussi, quoi. D'accord. Mais c'est chiant, en fait. C'est Ouais, chiant voilà, parce que c'est des ça fois, que je veux dire. faut arrêter d'abuser avec ça, quoi. Voilà, D'accord. c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est bien filmé. Oui, effectivement, ils en jouent, mais quand tu vois Kiyoshi Kurosawa qui te fait surgir un truc que t'as pas remarqué, qui était déjà à l'image, dans un coin de l'image dans Cairo, voilà, quoi. Tu vois quand même les débutants, quoi. Ouais, c'est clair. Après, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que l'histoire, elle est très symbolique. Et même là, bah, je vais pas spoiler, mais même le truc qui arrive dans le film, qui est une espèce de truc lié à un fantôme Rokniten, tu comprends que c'est lié à la perte d'une maman, etc. La difficulté d'être dans le couple, etc. De pouvoir remplacer la mère qui a disparu, etc. Et le film a même appuyé sur ça dans la dernière demi-heure avec les gros sabots. J'ai fait, wow, le spectateur, il est pas con à ce point, quoi. Moi, Wow, ça m'a gavé. Moi, ça m'a gavé de toujours wow. vouloir représenter la maternité dans ce genre de truc et tout. Enfin, ça m'a Le gavé. spectateur, il est pas bête, quoi. Il faut arrêter. Donc bon, mais non, mais Nio, tu voulais rajouter un autre truc ou pas, si? Non, non, c'est un énième film qu'on a vite vu, qu'on a déjà presque déjà limite oublié. Et voilà, quoi. C'est dommage, mais bon. Hein, voilà, on n'a pas que ça à faire dans la vie. On cherche des trucs un peu plus originaux, quand même, parfois. Ben, je sais pas quel est l'état du cinéma suédois, enfin du cinéma de genre suédois, mais enfin je connais pas assez le sujet, mais enfin j'ai l'impression que si je vois un truc comme ça, je me dis ah oui d'accord, en fait ils ont pas vraiment de films enfin de marché de films de genre et c'est une première démarche donc forcément plein de références machin et tout. Si ça se trouve il y a plein de films de genre dans le cinéma suédois. Mais moi, quand je vois un film comme ça, j'ai cette impression-là. Bah écoute, le peu que j'en sais, c'est qu'ils sont effectivement un cinéma assez varié, quoi. Donc bon. Après, tu vois, il y a eu tout un renouveau, on a redécouvert le cinéma coréen dans les années 90, etc., avec tous les thrillers qui depuis nos jours n'en finissent pas. Mais aussi des trucs qui sont pas bons, qui n'arrivent pas à nos portes, etc. Donc les distributeurs exploitants font le travail. La Suède, il y avait pas mal de cinéastes suédois qui ont été reconnus un peu avant la Nouvelle Vague, un peu après la Nouvelle Vague, etc. Tout ça. Et bon, c'est après il y a beaucoup moins de trucs qui ont passé les portes, quoi. Quand tu passes Soderbergh ou alors Bergman, il y a beaucoup moins de trucs qui viennent à nous de nos jours, quoi. Bon. Quand même, le cinéma scandinave, on a quand même des trucs qu'on voit en festival qui sont pas mal. J'avais beaucoup aimé, c'était à l'étrange festival, Border. Je sais plus si c'est suédois ou norvégien, avec une histoire d'une femme, et puis qui est flic, et puis un physique un peu pas commode, on va dire, et puis elle va s'apercevoir qu'il y a des trolls qui rôdent, elle-même, elle n'est peut-être pas humaine. Et ça, c'était bien, ça partait d'un aspect un peu dérangeant, mais totalement assumé, avec une part fantastique et une part sociologique. Enfin bon, Je sais pas si tu l'avais vu, mais Catou, voilà. aussi, non? Ah, non, je sais plus, c'était quand? Moi, ça me dit rien comme histoire, hein. C'était alors le film a été tourné en 2018 et il est sorti chez nous en janvier 2019, donc on Non, l'a je l'ai chez pas nous, il est vu. sorti festival en 2018. ouais Je l'ai ouais pas vu. Tu m'aurais dit un truc d'il y a 10 ans, j'aurais fait, ah, peut-être, mais non, mais là, si je m'en souviens pas. Ouais, bah, en tout cas, pas bilan hyper positif pour Zero The Side, et apparemment, de ce que t'en as vu, c'est un peu la même chose pour beaucoup de spectateurs, c'est ça? ouais, c'est. Et encore, moi j'ai trouvé la photographie assez jolie, même si elle était trop dans les tons sombres, etc. Et même le rythme du film, ça m'a pas trop gêné. Évidemment, pas mal de gens ont pointé qu'ils se sont fait chier comme des rats morts, justement parce qu'ils voyaient rien à l'image et que c'était trop lent pour eux, etc. Moi, j'ai apprécié qu'on n'ait pas trop de jumpscares à la con, etc. Il y en a deux, trois. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'y échappe pas, c'est la plaie actuelle, mais beaucoup moins que dans pas mal de productions américaines, tout ça, etc. Mais ça n'empêche pas que le film, il est très moyen, quoi. C'est bon, voilà. Vite vu, vite oublié. Bon, ben voilà. Après, moi, d'une certaine manière, il y a vraiment un film pour l'instant. Alors, il me reste le dernier à voir, mais il y a un film des six que j'avais sélectionné donc T'as cinq bien plutôt plu? maintenant qui m'ont vraiment plu. Donc, ce sera Curse Lesson dont je parlerai après. Mais après, pour le reste, il y en a un moyen et le reste un peu déçu, ouais. Nelson, on va enchaîner avec Ocean's Eleven Ocean's de ton Eleven, cycle Seven Soderbergh. voilà. Donc Ocean's Eleven, sorti en 2001, film de Steven Soderbergh, inspiré du film L'Inconnu de Las Vegas. Enfin, même paraît-il que c'est un mec, mais je l'ai pas vu en fait, L'Inconnu de Las Vegas. Donc de Lewis Milestone en 1960, avec Frank Sinatra dedans. Donc l'histoire classique d'un mec qui, pour assouvir sa vengeance face à un directeur de casino, décide de braquer le coffre-fort du casino qui réunit les recettes des trois grands casinos, le Bellagio, le MGM Grand, et j'ai oublié le dernier, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Bah, et le Mirage, voilà. Et en fait, il réunit une équipe devant ce mec et il va braquer ce casino-là et accessoirement vouloir récupérer sa femme dans le tas qu'il l'a quitté pour le directeur du casino. Ce film donc sorti en 2001. Alors moi je l'avais un peu oublié. En même temps, c'est un de ces films comme Blue Thunder où j'ai vu que la fin quand ça passait à la télé, donc c'est pas, j'ai pas, j'en avais pas grand souvenir, et là je l'ai enfin vu, parce que moi la série des Ocean, je les ai vus en, comment ça s'appelle, en, merde, dans le désordre. J'avais vu 13, j'avais vu 12, et j'avais vu aussi celui, le remake, enfin le spin-off C'est Ocean 8. 8 de Gary Ross, ouais, Gary Ross qui est vraiment facilement oubliable. Et là, et hier, j'ai vu Ocean 12 que j'ai arrêté au bout d'une demi-heure tellement il est invraisemblable. En fait, de tous, c'est le meilleur, en fait. Le premier est le meilleur. Un bon Souvent comme casting, ça. pardon? C'est souvent comme ça avec les suites, Ouais, hein. ouais, Parfois, elles arrivent pas ouais. sur le niveau. Ouais, mais c'est quand même ouf parce que si tu veux, il a fait des suites, Soderbergh, ouais, mais en fait, il a jamais, dans le style de film, donc qui est espèce de film qui est justement le film de braquage et tout, il a jamais vraiment lâché l'affaire. Il en a fait d'autres, dont Logan Lucky qu'on va parler après, et qui est, ben en fait, ce film-là, c'est Ocean's Eleven, c'est son plus abouti en fait. C'est le film que tu regardes jusqu'au bout, tu dis, ah putain, j'ai passé une bonne soirée, j'ai vu un bon film, je peux aller me coucher maintenant, tu vois. C'est le genre de film qu'on est content de voir et de revoir avec des acteurs qui ont des gueules, la distribution qui leur va vachement bien. Il n'y a pas de temps mort dans justement le rythme du film. Tout est assez cool, assez smooth, tu vois, tout est fluide en fait. Il n'y a pas de temps où tu es là et tu dis putain, ça dure trop longtemps, fait chier quoi, couper au montage, c'est chiant. Non, il n'y a pas de ça. Le film est très fluide, comment dire, l'intrigue est intéressante, bien fait classique, elle est très intéressante. Les acteurs sont vraiment bons. Il n'y a pas de tu sais, il n'y a pas, enfin, même les passages obligés sont bien réalisés. Après, peut-être le seul truc qui me fait chier, en fait, quoi, qui m'emmerde, c'est le truc de dire, ah, tout le monde, comment dire, tous les collaborateurs de près ou de loin, ou tous les mecs qui sont de près ou de loin, dans l'histoire, bah, c'est peut-être un complice de Danny Ocean, et donc t'es là, tu dis, ah, vas-y, c'est bon, on commence à comprendre que tu maîtrises tout, que le truc, tu l'as, établi depuis des années dans ta tête, ça va quoi, ça va. Ah, tu vois, il y a un moment, c'est vrai que c'est chiant le truc de dire ouais, c'est bon, je maîtrise tout de A à Z. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas un fait de travers quoi. Peut-être le seul truc qui me fait chier dans ce film. Sinon, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le film. Après, je trouve que Julia Roberts dedans, le rôle est un peu transparent. Mais sinon, voilà, Quoi, tu veux dire qu'un film du début des années 2000 avec une meuf qui joue avec une dizaine de mecs aurait un rôle transparent? Oh oui. Oh oui, madame. Oui. Et ça, c'est. Oh, Après, surprise! je pense que Soderbergh, il s'est quand même un peu rattrapé en lui offrant Erin Brockovich, qui a été un rôle sur mesure pour elle, si je me souviens bien. Hein. Ouais, Oui, non, mais même ça sur. c'est avant. Ça c'est sorti avant. Sur son dernier aussi, c'est que des nanas, donc et il y a un mec, donc si tu veux. Non, Ouais, mais son dernier, il est vraiment. Enfin, Ocean's 8, non, il était à la je parle pas de production. Ocean's Edge, je parle de son dernier film. Ah, je me souviens plus, c'est lequel. C'est celui dont j'avais parlé la dernière fois, tu sais, Let Them All Talk, avec Meryl Streep. Ah oui, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je devais le voir hier. Finalement, je me suis dit, ah bah non. Voilà. J'ai dit, bah non, je vais Faut passer être dans le dessus, je vais mood, hein, c'est regarder. spécial, faut être dans le mood, hein. Ouais, je comprends. Mais bon, voilà, non, c'est un bon film. Rematez-vous ce film parce que il y a des trucs, enfin, c'est super cool. Les rôles sont vraiment bons. Il n'y a pas un pet de travers. Non, franchement, c'est. Et puis même le mec qui joue le rôle du geek, et ben en fait, il fait pas vraiment, tu vois, en mode geek, le film, tu sais, genre, le mec avec les grosses lunettes, qui zozote et tout, non. Les mecs, ils se sont pas défoulés là-dessus, donc c'est cool. Non, franchement, c'est un bon film, voilà, c'est un bon film. Bon, Ok. ok. Next! Donc moi j'enchaîne avec Boys from County Hell de Chris Bow qui est en compète sur Gérardmer. Alors c'est une histoire de vampire. Donc je fais le pitch vite fait. Enfin je vais vous lire le pitch. On est à 6 Mile Hill, un village irlandais où, d'après la légende locale, Bram Stoker y aurait séjourné une nuit. C'est ici qu'habite Eugène Moffat, un jeune petit con qui passe la majeure partie de ses journées à boire des pintes avec ses potes et à se moquer des touristes. Parce que bon, c'est en fait ils ont une attraction particulière qui est justement liée à Bram Stoker, qui est un espèce de tas de pierres où ils disent ah, c'est en gros la vieille tombe du vampire local quoi. Voilà. Et du coup ces touristes ils vont sur cette tombe qui est la tombe de Abartak. Ou à Barthes, je sais pas ou comment dire. Donc pas la tombe de Barthabas. Leur mythique vampire irlandais qui aurait inspiré le personnage de Dracula. Mais une nuit en fait, alors qu'il est avec son pote, ils sont un peu torchés, bref, et ils vont dans le coin parce que cette tombe elle est située en plein milieu sur la pelouse au milieu de nulle part. Hein. T'as juste un petit tas de pierres quoi. Et ben y a un accident tragique. Donc Jeanne il perd son pote, mais en même temps il réveille par mégarde le maudit suceur de sang et la ville devient la proie de sa grosse soif. Donc en fait passer la première scène qui est assez interpellante, c'est pas la scène de l'accident mais c'est une scène qui après, parce qu'en fait ils font une première scène et après ils font un flashback pour resituer le truc dès le début. Et en fait la première scène elle est assez interpellante, mais après j'ai trouvé qu'ils appuyaient un peu trop justement sur le côté oh là là on vit dans une ville paumée, oh là là j'ai envie de partir, oh là là ouais mais ta ville ah ouais. Tout nous ramène à cette ville, enfin bref, je trouve que ouais, il y a un moment, si tu veux, en soi, le contexte, il peut suffire à lui-même et ce qui s'y passe, et enfin, voilà, bref. Mais bon, c'est pas bien grave. Le ton d'une marginale est plutôt neutre, en fait. Cependant, passé les 30 minutes à peu près, ça prend un ton comique. D'un coup, il y a une scène où ça vire au comique, mais volontairement, hein, et avant de retomber dans un ton neutre et de reprendre une ou deux fois, voilà. Des scènes un peu plus comiques plus tard dans le film. En fait, le rythme il est assez inégal et le scénario, par contre, il suit bien sa ligne directrice. Y a pas de souci, c'est même le truc le plus clair en fait. Et il s'embête pas à faire tourner les personnages en rond. Le but, il est clair et net. Par contre, des fois, justement, il aurait peut-être pu éviter la facilité, juste histoire qu'on n'ait pas l'impression de voir un peu de flemmardise, quoi. Après, c'est vrai qu'il serait facile de comparer le film avec Shaun of the Dead, comme j'ai pu le voir. Le problème, c'est que bah, voilà, enfin les points communs sont nombreux. Hein. Une bande qui est composée de potes et de familles qui sont amenés à combattre des vampires au lieu de zombies, quoi. Et y a là aussi un pub en point de ralliement. Mais bon, en même temps, c'est les Irlandais et les Irlandais, c'est comme les Anglais, hein, le pub c'est sacré. Donc c'est pas tellement dû au film, c'est plus culturel. Et à partir du moment où on situe l'action dans un petit bled, bah forcément le cercle des personnages il est quand même assez restreint, quoi. Donc bon, et surtout bah le film il revient à un ton léger, d'accord, mais pas autant que Shaun of the Dead. En fait ici le côté comique pour moi il est assez anecdotique, hein. C'est pas parce qu'on rigole une ou deux fois que il faut tout de suite se dire ah oh, super c'est Shaun of the Dead. Oui, enfin bref, heureusement les personnages sont plutôt bien définis, même sans qu'on voit pas longtemps, hein. C'est que ce soit en termes de casting, de jeu et de définition de personnages. Quoi, il y a eu un bip? Quand ça, il y a eu un bip? Ah, je sais pas, t'as appuyé sur une touche au téléphone. Non, j'ai rien de spécial. Je confirme, il y a eu un bip. Moi, j'ai rien entendu. Donc même ceux qu'on voit pas longtemps, ils sont plutôt bien définis. Les acteurs jouent plutôt bien et on est du coup plutôt emporté par le récit. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, bah, c'est un film de vampire, ok, mais c'est pas Dracula le méchant. C'est-à-dire que dans n'importe quel truc, ils auraient pu dire, ah, en fait, Dracula, il était de notre bled. Non, là, je te jure, c'est arrivé des trucs comme ça. Mais en fait, là, c'est le personnage qui aurait inspiré Dracula. Du coup, en fait, je trouve que c'est intéressant d'y donner un contexte un peu plus ancestral. Et du coup, ça rend finalement le personnage du vampire un peu original, parce que du coup, il y a des petites choses à découvrir. Et heureusement, c'est un peu fait subtilement, quoi. C'est marrant parce que la créature de Dracula, enfin, du personnage de Abartak, justement, elle fait plus créature. Et je trouve ça plutôt sympa, plutôt que d'avoir l'éternelle image du beau gosse, machin, ou du mec qui est justement humanoïde, mais avec un visage chelou, en fait. Ouais, je trouvais ça intéressant comme créature. Après, bon, bah, les ficelles sont pas neuves, le tout manque de caractère, mais ça reste quand même plaisant à voir. Mais c'est juste que selon moi, en fait, le film va pas du tout au bout de ses possibilités, quoi. Concernant le réalisateur, il est pas trop débutant. Après, il a surtout fait de la télé et des courts-métrages. Il avait fait bah je crois que c'est alors attends que je me trompe pas oui il a dû faire c'est son deuxième long métrage en fait sur les interprètes l'interprète justement qui fait Eugène c'est bon parce que sa tête me disait quelque chose j'arrivais pas à trouver quoi et en fait il a joué dans Newt and Crosses, en fait, c'était une mini-série télé anglaise qui s'inspire, qui est une adaptation de roman, qui s'associe ce roman. Alors attends, parce qu'il faut que je trouve ça, parce que j'ai pas le nom. Enfin bon, bref. Et en fait, dans cette histoire, c'est d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça, parce que c'est vrai que ça aurait pu donner plus de sujets de discussions sur les sujets actuels. En fait, dans l'histoire, de Notes and Crosses, c'est un monde à l'envers où en fait en Angleterre, on a des blancs en fait qui sont au service des noirs. Et comme si justement le temps c'était enfin le les choses s'étaient inversées dans l'histoire en fait et j'avais juste regardé un ou deux épisodes c'était pas déplaisant en fait c'était sympa j'ai jamais pris le temps de finir le truc mais ouais c'était plutôt bien fait et donc ouais je sais pas trop si ça a marché en tout cas au moment de la sortie ça avait un petit peu fait parler justement parce que c'était une adaptation de bouquin Après, il a fait des trucs de télé, genre Peaky Blinders et autres, hein. Mais voilà, quoi. C'est pour le reste des acteurs, voilà, j'ai pas trop regardé. Mais moi, ça me dit pas grand-chose, mais bon. Mais d'une manière générale, de toute façon, ils jouent tous plutôt bien. Y a personne qui se dénote spécifiquement. Ouais, c'est vraiment du film choral, là, pour le coup. Donc à part ce qui fait jeune, ouais, j'ai plus l'impression que c'est pas du film choral. Il y a comment dire, s'il y a une scène un peu spéciale en fait, je sais pas, la fin, je me dis ah ouais, tu aurais que ça comme ça toi. Voilà, c'est un peu c'est le côté facile dont je parlais plus tard. C'est ah bah tiens, oui, enfin pour ceux qui regarderont, la fin se dénoue un peu curieusement. Voilà. Bah c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, drop mic. Tu vois. Bah la famille Adams, Nio. Ah, est-ce que tu nous fais un petit bruit, un petit thème musical? Je le fais à la bouche ou... Vas-y, ta-da-da-dam. vas-y. Moi, c'est Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam. Voilà. Alors, on va pas trop perdre de temps non plus, les amis. Alors, la famille Adams, écoutez, la famille Adams, donc, c'est le. Il y a eu deux films, c'est par le même réalisateur, Barry Sonnenfeld. Là, il s'agit du premier, de 91, qui, on peut dire que c'est une œuvre culte. Ouais, on peut dire que c'est une œuvre culte. Il y a pas mal de gens qui, même encore aujourd'hui, disent que ce film est un peu plat, etc., et que c'est copié sur l'univers de Tim Burton, etc., tout ça. Alors, une fois de plus, de recontextualiser les choses. Je sais que vous aimez bien quand je contextualise toutes les choses. Vas-y. Alors, déjà, il faut savoir que Tim Burton a beaucoup d'influence et que la famille Adams, à la base, ça vient d'un illustrateur qui s'appelle Charles Samuel Adams, qui est né en 1912 et qui est mort en 88. Et la famille Adams, donc c'est une série de cartoons que Charles Adams a signé pour le New Yorker. Et c'est des cartoons, des petits comics qui sont qui avaient déjà un ton, un humour très noir, des personnages macabres, etc. Et qui se basaient sur le contrepoint d'une famille totalement différente de ce que la normalité nous présente à l'image. Donc, ça va avoir un certain succès d'ailleurs, la famille Adams. Et il y aura plusieurs produits dérivés. On va citer quand même la série culte des années 60, de 64. Ouais. Voilà, en noir et blanc, qui était même repassée sur M6 dans les années 90, 93, par exemple. Ouais, ça nous a fait tous nos midis, là. Toute mon adolescence de midi, là. En fait, C'est clair. juste avant la petite maison dans la prairie. Voilà. Voilà, avec la C'est fabuleuse grave. C'est vrai que c'était en tournante avec Papa Schultz. Quand ils avaient fini toutes les saisons, ils reprenaient sur Papa Schultz. Quand ils avaient Voilà, fini c'est les ça. saisons de Papa Schultz, ils reprenaient sur la famille Addams. C'est des trucs qu'on voit plus du tout de nos jours d'ailleurs. Non, c'est dommage. Ouais. Donc, avec la saison 60, donc, avec Caroline Jones, la magnifique Caroline Jones qui trouvait là un rôle à sa mesure. Vous regarderez sur Internet, il fait. D'accord, elle nous met du suspense, ouais. Non, mais voilà, comme avec le podcast, on ne peut pas avoir d'image, je laisse imaginer les gens. Il y aura encore une autre série, une série d'animation dans les années 70, tout ça. Et bon, pour le cinéma, donc, il y a Dans les années trois œuvres. 90 aussi, hein. C'est une animation des années 90. Tout à fait, en 92. Ouais. Ah oui, mais non, Il y mais aura encore. Caroline Jones, c'est aussi une chanteuse de country américaine, hein. Non, c'est pas la même. Ouais. Et du coup, pour le cinéma, par contre, du coup, ce qui nous concerne pour le cinéma, nous avons donc trois films. La famille Addams, donc de Sonnenfeld en 91. La suite, Les valeurs de la famille Addams en 93. Et enfin, un autre film qui n'a rien à voir, c'est une animation qui est sortie en 2019, sobrement appelée La famille Addams tout court. Alors, ce film de 2019, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, il y a Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloé Grace Moretz, même Snoop Dogg. Alors, Alors, il est à sorti part. l'année. Alors, juste un truc, Nio. Il est sorti en, comment dire, me semble-t-il que c'est pendant l'été. Et Et chez nous directement en VOD. non, non, moi je l'avais vu affiché au ciné. D'accord. En 2019, à l'époque, on pouvait encore aller au ciné. Et c'est loin maintenant. Et mais surtout, il est très très drôle. Je l'ai vu l'année dernière. Et franchement, il est très très drôle. Je le conseille. D'accord. Parce qu'apparemment, le film a reçu pas mal de mauvaises critiques. Ah Il oui, a il faut le fini quand trouver même. parce qu'il est sorti le 4 décembre 2019. Il est vraiment passé en loose chez nous. Ouais. Ah, pardon, il est pas sorti en été. C'est vrai, t'as raison. C'est pas en été. Mais je l'ai vu en tout cas. Je l'ai vu en. Franchement, il Oui, était pas t'as trop. dû le trouver, puisque là, je vois sur Wiki qu'il est sorti le 4 décembre 2019. Oh, avec Charlize Theron en Morticia, mais il faut trouver ce truc, hein. Ah, papa, on le verra peut-être un jour, on le verra un jour. Surtout, il est sur Amazon Prime ou Netflix. Ouais, non, il doit être sur Amazon Prime, mais franchement, il est vraiment. Enfin, moi, je me suis beaucoup marré à le regarder. D'accord. Mais est-ce que tu t'es marré parce que tu connaissais déjà l'univers de la famille Adams ou tu redécouvrais un peu Non, non, je connaissais déjà parce que moi, j'aime bien les valeurs de la famille Adams, c'est mon préféré. Ah, il est génial. Mais le premier film, justement, on va y revenir, il est pas dégueu, le fait de le revoir, il est pas dégueu. Du coup, justement, donc le Et par premier contre, excuse-moi, je t'arrête. Chloé Grace Moretz en mercredi, j'y crois pas d'avance. Mais de quoi, de quoi? Chloé Non, Grace non, Moretz d'accord. en mercredi, j'y crois pas d'avance. Hein. Non, c'est là, les voix, hein. C'est les voix. C'est les voix, c'est les voix. Ah Oui, d'accord, c'est une animation, ok. mais oui. Et puis, Chloé Grace Ah, Moretz, tu fais. elle est bien passée par la case Burton, bah, avec Dark Shadow juste avant, donc je pense que quelque part, c'est dans la continuité. Oui, mais justement, Dark Shadow, moi, je la trouvais à chier dedans, en fait. J'aime pas du tout son perso. Ah ouais, c'est un peu un tir à balles réelles, là. Non, mais Chloé Grace Moretz, pour moi, il y a un gros souci de vouloir lui faire faire du genre à tout prix. Voilà, tu vois, là, elle a fait le film Tom et Jerry. Oui, ben voilà, là, t'es dans ton créneau, ma fille. Mais non, c'est-à-dire que le remake de Carrie, c'était une abomination. Et tu y crois pas un seul instant au personnage de Carrie quand elle le joue, quoi. Enfin, c'était une aparté. Excuse-moi, Néo. Bon, et du coup, le film Sonnenfeld, donc c'est devenu, c'est devenu un film culte avec un univers qui est déjà préexistant, donc comme on l'a vu. Il n'est pas étonnant peut-être que Tim Burton, qui travaillait chez Disney, mais il a été nourri peut-être de ces influences-là justement quand il était beaucoup plus jeune. Donc voilà, la famille Addams ne doit rien à Tim Burton. Tim Burton a peut-être été influencé, mais voilà, c'est deux univers complètement différents. Par contre, on peut le dire légitimement, le film a été un succès en 91, a été un succès culte, alors que la série d'animation, la série dans les années 60 était peut-être un peu tombée dans l'oubli et que voilà. On peut se demander si effectivement ce n'est pas le succès de l'univers de Tim Burton qui l'a pu développer pendant les années 90 qui a pu justement permettre à Barry Sonnenfeld de pouvoir mettre ce projet de long métrage à l'écran. Et voilà, et moi je pense qu'effectivement il y a eu ça qui a joué. Faut pas oublier que dans les années 90, on a eu pas mal de films, et même en France, à la fin des années 90, il y a Caro et Jeunet qui ont pu développer leur univers, non seulement à Délicatessen à la début des années 90, mais surtout avec La Cité des Enfants Perdus, qui était un projet qu'ils voulaient monter voilà, dans une longue date, quoi. Ouais. Donc, on revient à Barry Sonnenfeld. Bon, le film, le casting, il est monstrueux. C'est du culte à tous les points de vue. On Ah va oui, les remplir. Angelica Julia! Houston, elle est monstrueuse. Angelica Houston, elle est géniale. Oui. De toute façon, c'est une des meilleures actrices du monde. Il y a le regretté rôle Julia qui trouvait là un rôle à sa mesure. Vivant! Vivant dans Street Fighter! Ouais, mais justement, c'est une des meilleures choses de Street Fighter, justement. C'est ça qui, le mec, il est tellement bon qu'il arrive quand même à relever le niveau du film, quoi, qui est un peu Ouais. ça. Bon, il Il y a y quand avait même un Coco Vandamme, téléfilm ça, c'est aussi. bien. Pardon. Il avait joué dans un téléfilm aussi. Je sais plus. Merde. Bref, c'est il jouait le rôle d'un mec qui luttait contre des grandes entreprises qui voulaient polluer son village et tout. Et il était vraiment très bon. Il était vraiment très bon dans ce film. Tu vois, c'était Ouais, un mais paysan du Nicaragua, un truc comme ça. Je sais plus. Mais je vais retrouver le nom du film. Mais il est vraiment très bon dedans. c'est un acteur qui est mort en 94, qui est disparu à l'âge de 54 ans, donc c'est un acteur qu'il faut vraiment redécouvrir, quoi. Il avait un cancer, il m'en a un cancer. C'est ça. Voilà. Donc nous avons donc Rose Julien, Jackson, Christopher Lloyd, qui heureusement n'a pas fait que Retour vers le futur, on a tendance à l'oublier. Voilà, Oncle Fétide, il est très bien, Oncle Fétide, il en fait des caisses, mais justement, c'est le rôle qui veut ça, quoi. Il est très bien. Il faut pas l'oublier aussi dans Star Trek. Ouais, aussi dans, comment ça s'appelle, dans Qui veut la poudre, Gérard? Oui, ouais. Oui. Parce que, et bien justement, que ce soit dans La peau de Roger Rabbit ou dans Star Trek, il joue un rôle de méchant. Et il est très bien. Il est très bien là-dedans. Non, non, Christopher Lloyd, le pauvre qui a été cantonné à ce rôle de Retour à la future, c'est un peu Bah triste à après dire, mais. pour nous, mais aux États-Unis, il avait joué aussi dans une série qui s'appelait Taxi. Taxi, Et ouais. Rien à non, voir avec le Besson, donc. du tout, Rien rien à du tout. voir. C'était, je sais plus si c'était un Il est meilleur. sitcom ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'était pour Man on Oui. the Moon. Il avait à un moment envoyé le personnage de. Parce que c'était pour ce Man on the Moon, c'était. Attends, c'était là, j'ai son nom. Sur le bout de la langue, c'était pas un Andy, biopic, mais voilà, on dit quelque chose. Andy Kaufman, Ouais. voilà, c'était sur Voilà. Andy Kaufman, et en fait, Andy Kaufman a joué dans Taxi, et en fait, c'est très marrant parce que quand tu regardes le film, t'as un doute, tu dis putain, mais parce qu'il recrée les scènes de Taxi, et en fait, là, tu te rends compte, les mecs, ils ont repris leur rôle pour jouer cette scène dans Man on the Moon, ils ont pris leur rôle de taxi, et du coup, tu vois, donc Christopher Lloyd, voilà, c'était en Mais tu vois pas 89. Tony Danza, tu vois pas Tony Danza dedans. Tu vois pas Je sais Tony Danza, parce plus que du Tony tout. Danza, il a joué dans machin, il a joué dans Taxi, Oui, c'est bon. mais je sais plus du tout. Mais du coup, j'avais un doute, tu sais, c'est le moment où j'étais captivée par la scène, je me dis, mais c'est lui, c'est pas lui. Et puis là, ils ont trouvé un mec qui lui ressemble. Mais non, en fait, c'est lui. Parce que dans Man on the Moon, en fait, beaucoup de gens qui ont connu justement Andy Kaufman ont repris leur propre rôle, leur même, ont même joué eux-mêmes. Parce que t'as même un commentateur de catch, en fait, qui joue son pour, enfin, lui-même de ce Oui. qu'il a vécu Il y a même avec un Andy Kaufman. catcheur aussi dedans. Oui, mais c'est vraiment très bien. Enfin bon, voilà, c'était la petite aparté. Voilà. Donc pour nous, en fait, ouais, nous on le connaît que pour, enfin, essentiellement sur, on le rapporte à Retour vers le futur, mais je pense qu'aux États-Unis c'est peut-être un peu plus large. Ouais, complètement. Ouais. Je sens que c'est la dernière fois que je vais regarder un film culte. Alors, et justement, tiens, dans le casting aussi, il y a une gueule à un acteur de second rôle monstrueux qui s'appelle Danny Daya. Danny Daya, le mec, il a une carrière, il a joué dans Les Prédateurs de Tony Scott, il a joué dans 100% des frères Coen, il a joué dans La Corde Raide, aux côtés de Clint Eastwood, il a joué dans Mulholland Drive, etc. C'est le mec, on le voit plein de second rôle et on se dit, putain, j'ai déjà vu, il a une gueule, etc. Il fait souvent un lieutenant de police, ou un méchant, ou un mec, un petit arnaqueur, etc. Voilà, c'est un acteur que on se rend pas compte. Il est même dans Alien la Résurrection. Il est partout, et d'ailleurs. D'accord. Voilà, et il joue justement dans le rôle dans Alien Dance, un petit arnaqueur. Oui, c'est vrai. Dan et Daya dans Alien Resurrection, c'est pas le mec qui joue le représentant de la Weyland-Yutani à la fin Non, mais si je me souviens bien, je crois que c'est le mec du vaisseau, le commandant du vaisseau. Ah oui, je me souviens. On a aussi dans les second rôles les gueules. On a Karel Striken. C'est un mec qui doit faire 2 mètres, qui joue le rôle de Lurtz, le majordome, Max dans la version française, le majordome de la famille Adams, c'est une espèce de monstre de Frankenstein. Et lui, alors lui, c'est le mec qui fait par exemple le géant dans Twin Peaks. C'est le Oui. mec, il fait un petit second rôle très rapide dans Men in Black, c'est un Arkilien. Il joue donc dans la famille Adams. Il joue dans. Alors, C'est un habitué Il n'a pas joué de. dans Doctor Sleep. Eh ben si, si, si, c'est en fait Hey! un habitué de Mike Flanagan parce qu'il jouait déjà dans Jesse, il joue aussi dans Doctor Sleep. Et ouais, et Mais dans oui. Jesse, il joue justement l'espèce de croque-mitaine, voilà, on dit pas plus. Donc c'est vraiment là aussi une grande gueule comme Nelson nous disait, les genres de gueules qu'on aime bien voir au cinéma, et voilà, c'est plaisir. Et enfin, on allait l'oublier, notre cher ami Chris Narici. Ah, Chris Narici, qui était toute jeune, qui était promise un brillant avenir, qui avait déjà dès le début dans la famille Adams, elle joue de sa face monocorde avec ses gros yeux, et elle est déjà très bien dans la Adams, quoi. Après, j'ai pas trop habitué au racolage. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu perdue en chemin. C'était un film qui a lancé donc la carrière de Barry Sonnenfeld, qui est un sympathique artisan du cinéma, qui est connu des hauts, donc avec la famille Adams, la suite de la famille Adams, Men in Black 2, et puis des bas comme Wild Wild West. Mais qu'on peut pas renier que c'est quelqu'un qui travaille pour faire du cinéma de divertissement assez soigné la majeure partie du temps, assez rigolo, bien foutu, voilà quoi. Donc et justement, bah la famille Adams, le fait de voir ce premier film, c'est toujours plaisir parce que voilà, les répliques sont cultes, on marche bien l'histoire, c'est bien foutu. Comme Nelson disait, Ocean's Eleven, c'est du divertissement comme on a envie de voir avant d'aller faire dodo, quoi, c'est plaisir. Et puis rien que pour voir Mercredi et Pugsley, qui rejoue Shakespeare sur scène, mais avec des trucages, avec du sang qui gicle au public que Fétide leur a donné, ça fait plaisir. C'est assez monstrueux à voir. Je ne sais pas si on verra ça dans le cinéma actuel, quoi, avec des gamins qui aspergent le sang tout le public. Donc, non, ça fait, c'est bien, ça fait plaisir à voir, quoi. C'est toujours aussi cool. Mais le deuxième film ira encore plus loin. Voilà, Walou. Du coup, bah Nelson, tu Ah. nous reviens avec de nouveau Soderbergh pour le Lucky. C'est lequel Ouais. Lucky? C'est celui avec Daniel Craig, non? Ouais. Avec Daniel Craig, avec Channing Surprise, Channing Tatum. Et désolé, ça de la face. Alors, il y a Moi c'était la blague plutôt tu sais avec l'affiche de Shining Tatum avec la tête de Shining Tatum dans la J'aime porte. bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc oui, de sortir en 2017 de Soderbergh, comment dire, avec Channing Tatum, Daniel Craig, Katie Holmes, Hilary Swank et Adam Driver. Et je Cathy sais pas. Holmes! Ah la vache! Du temps où elle Ouais, avait si, encore si. un espoir de carrière au cinéma, en fait. Bah, du temps où elle était encore avec Pépère. Cruz? Comment il s'appelle, avec Cruz, ouais. Enfin, je crois même qu'elle était déjà plus avec à ce moment-là. Mais donc ouais, Katie Holmes dedans, bah maintenant elle a une carrière d'actrice de théâtre, c'est très bien pour Ouais? elle. Donc oui, alors c'est simple, c'est tu prends Ocean's Eleven, tu le fous chez les rednecks. Voilà. Ce film n'a aucune surprise, il est archi plat. Les comment dire, les situations, on les a déjà vues mille fois. Bon, je vais essayer de le résumer. Donc c'est Jimmy Logan, c'est un mec qui travaille sur un chantier. C'est une ancienne gloire de la NFL. Enfin, c'est un ancien espoir de la NFL qui s'est fracassé le genou et qui maintenant boite. Il se fait virer de son taf. Il est divorcé, père d'une petite fille, c'est un père modèle qui écoute de la country. I want to go to my country. Et il habite en Virginie occidentale, donc c'est chez les Rednecks, tu vois. Comment dire, un jour il va voir son frère qui est joué par Adam Driver, qui est barman dans un petit Qui est très bon à bar frôle. paumé d'auto, ouais, qui est dans un petit bar paumé de l'autoroute, à qui il manque un bras parce qu'il l'a perdu en Irak, voilà, pendant la Seconde Guerre d'Irak, en sautant sur une mine. Et son frère, il est persuadé, et donc le frère donc joué par Adam Driver, dont j'ai oublié le nom tellement ça m'a marqué. Attends, je vais essayer de le retrouver vite fait. Voilà, donc Clyde, donc le frère Clyde, il est persuadé que la famille, elle a une espèce de malédiction, parce que dans toute sa vie, l'oncle un tel, il est mort de telle manière, la tante un tel, elle est morte de telle manière, toi, tu t'es fracassé le genou, tu étais un espoir et maintenant c'est terminé, moi j'ai perdu une main et tout, ouais, notre, ma famille a des motifs, bref. Mais en fait, C'est vrai qu'il y a de quoi déprimer à ce stade, quoi. ouais, grave. Et donc en fait, Jimmy, donc joué par Channing Tatum, il a, lui, il a l'idée de braquer en fait le chantier, en fait les recettes d'un circuit automobile à Charlottesville, à Charlotte en fait, et parce que pendant qu'il était en train de faire les travaux, pendant qu'ils étaient en train de faire en fait sur un chantier d'un tunnel. Je ne sais plus exactement pourquoi le chantier il est là, mais donc sur le chantier du tunnel, ils ont découvert en cassant un mur que les recettes en fait entières du circuit, elles passaient par un réseau de tuyauterie qui descendait vers un coffre. Et donc, Jimmy s'est dit, il va braquer ce coffre. Voilà, c'est à peu près tout. Et en fait, c'est le film est pas intéressant pour une cacahuète, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est l'anti-Ocean's Eleven. C'est-à-dire que tu fais venir tous les codes du film de ce genre, en fait, de braquage, et t'en fais rien avec. T'en fais absolument rien d'intéressant. Je veux dire, les personnages, on les a déjà vus 100 000 fois, c'est-à-dire que le bonhomme, le bon père de famille, victime d'une injustice, qui va se venger, bah putain, c'est la même chose comment dire, c'est déjà vu ailleurs. J'ai pas envie de dire c'est la même chose qu'Ocean's Eleven, parce que oui, c'est la même chose qu'Ocean's Eleven, mais j'ai pas envie de me répéter. Voilà, le frère malchanceux, avec son accent du sud des États-Unis, pareil. La petite sœur qui est la petite bonasse du coin, qui est tout le temps habillée ultra sexy, c'est pareil, c'est déjà vu. Le mec qui joue Daniel Craig, qui est un espèce comment dire, de génie de l'explosif, complètement barré, bah pareil, c'est déjà vu aussi. Ouais, par contre, Daniel Craig, on voit qu'il commençait à anticiper la fin de la carrière de James Bond avec des petits rôles comme ça, même dans le truc adapté d'Agatha Christie, là, qui est sorti récemment. Et c'est à couteau tiré. Ouais, Voilà, à couteau tiré. Et il qui fait est plaisir avec ce super, genre de rôle, quoi. ouais, qui est super, super film. Même dans Monde de Narnia, il me semble que dans le premier, on le voyait déjà. Ouais, il fait Mais plaisir, quoi, ça se voit. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois qu'il peut, il a un autre éventail comment ça s'appelle, De de s'adapter un rôle. peu de possibilités, Voilà, de ouais. rôle. Mais voilà, tout le reste des autres personnages, là, les deux frères complètement stupides qui sont les frères de Daniel Craig dans le film, c'est pareil, c'est les mêmes. T'as envie de leur dire, mais merde, quoi. Mais où est-ce qu'elle est passée l'originalité, quoi? Tu prends les mêmes et tu recommences. Et juste, voilà, tu fais venir à la fin les deux personnages du FBI qui, en fait, ne servent absolument à rien. Ne servent à rien. C'est juste un passage obligé, mais ils sont inutiles. Et les deux, genre l'espèce de molosse du FBI qui lâche rien, qui est joué par Hilary Swank, et qui en fait sert à que dalle dedans, parce qu'elle apparaît dans la dernière demi-heure du film, et elle sert à rien, mais vraiment à rien. Voilà. Donc franchement, un film aisément oubliable, 119 minutes où on se fait chier, et très honnêtement, je pense qu'il aurait mérité le même, comment ça s'appelle, le même sort que j'ai fait, que j'ai réservé à Ocean's 12, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, coupe, ça sert à rien. J'aurais été voir au ciné, je serais pas parti, parce que moi je me casse pas de la séance de ciné, même si c'est de la merde, je vais jusqu'au bout. Mais là, franchement, non, ça méritait pas ça. Ça méritait pas ça. Et très honnêtement, Soderbergh, il aurait pas dû sortir de sa retraite pour reproduire un truc pareil, quoi, pour refaire un truc comme ça. Véritablement, parce que c'est inutile, c'est vraiment inutile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et franchement, ouais, là, je présentais vraiment le yin et le yang de la carrière d'un mec comme Soderbergh, quoi. Voilà, c'est vraiment le D'accord. yin et le yang. Voilà. Alright. C'est tout pour moi, dans le mic. Bah moi j'ai terminé par Vincent qui est mon film un peu préféré dans mes visionnages. C'est The Cursed Lesson de Kim Ji-han et Jun Jae-hong, donc un film coréen de 2020 à Gérard May. Donc le pitch en gros c'est Il Yeon-jung travaille comme mannequin depuis plusieurs années mais son physique ne correspond plus aux critères de beauté actuels. Et du coup elle se retrouve mise à l'écart avec la concurrence, tout ça, bref. Elle décide alors de suivre des cours de yoga d'un genre nouveau afin de redevenir désirable, puisqu'elle tombe sur une ancienne copine de lycée qui, elle, est devenue sublime, machin, bref, et qui lui dit hey, « Eh, mais moi je connais le super cours de yoga, vas-y » Et Bon, donc, d'abord, vous vous souvenez. toutes les participantes doivent s'entraîner dur afin d'atteindre ce qu'on appelle le Kundalini, une énergie ultime, source de vie, dans la langue sanskrit. C'est ce qui les rend super bonasses. Mais à mesure qu'elles s'en rapprochent, en fait, du Kundalini, des événements de plus en plus terrifiants se produisent. C'est le premier film, en fait, de Ji-Yan Kim. Enfin Kim Ji-han qui a strictement rien d'autre d'inscrit à son palmarès. Par contre, son coréen Jae-hong Jun ou Jung Jae-hong, enfin je sais plus parce qu'il y a une histoire en fait où il faut que où t'as le prénom. En fait, il paraît qu'en Europe on inverse souvent le nom et le prénom sans s'en rendre compte en fait. En fait, en gros, bon, son coréen c'est le cinquième long métrage par contre. D'où une certaine maîtrise parce que c'est quand même super bien maîtrisé tout ça. C'est très facile que pour les Japonais, en fait, sur le prénom. Bah, il y avait, moi, j'avais entendu ça pour les Chinois aussi, donc bon. Ouais, Mais, ça doit être pareil dans tout la vie. ouais, donc, de prime abord, en fait, l'histoire, moi, ça m'a rappelé une mannequin que j'avais connue il y a des années de ça, et qui, elle, au moment où je l'avais connue, se réorientait vers le cinéma, parce que justement, son physique, elle-même, elle disait, mon physique n'est plus à la mode, quoi. Et elle était encore jeune, elle était encore belle, hein, mais clairement, en fait, elle faisait une croix sur la poursuite de sa carrière. Elle était super lucide quand est-ce qu'elle se balait, en fait, sur le marché. Et alors que là, dans l'histoire, justement, on a justement une jeune femme qui veut poursuivre à tout prix, en fait, sa carrière et à utiliser les moyens à sa disposition. Et donc finalement, c'est ce cours de yoga, c'est un peu son dernier espoir. Et c'est vrai qu'au Japon, en fait, j'ai l'impression que l'apparence physique a une énorme importance. Et pour ça, pour démontrer ça, en fait, on a un bon panel de personnages qui le reflètent. On a la mannequin, la sportive, l'actrice, une dont on saura jamais, en fait. Enfin, j'ai pas notifié, j'ai pas vu. On sait juste qu'elle est jeune, en fait. Et donc, du coup, qui dit jeune dit être influençable, et ça va être un peu le maillon faible. Et donc, finalement, en fait, c'est tous des sujets idéaux pour le deuxième aspect du film, qui est l'utilisation d'une symbolique biblique, la tentation avec l'image du serpent. Donc, Oh. la tentation à devenir. À devenir belle, et du coup, qui va finir par les perdre. Et en premier lieu, notre héroïne. Et comme on parle de cette tentation, le film est empreint de sensualité. Il y a même des scènes un peu érotiques, bien mises en valeur, bien mises en scène, et qui démontrent comment faire une scène de sexe avec pudeur, même lorsque les corps sont nus, et avec esthétisme. Donc il y a des éléments bien placés, de la danse contemporaine, des acteurs installés stratégiquement. C'est très très calculé. Et comme c'est un film de genre, c'est un peu sanglant. Mais notre héroïne semble, enfin elle a Juste un l'air. peu là. Ah ouais, juste un peu. Hein. Et elle semble un peu hantée par quelqu'un, mais enfin un peu sanglant, des trucs un peu hantés. Ça reste quand même super léger et gentillet, quoi. Donc en fait, tout réside dans l'étrangeté de la situation et l'atmosphère du film. On a une interprète qui s'empare plutôt bien du rôle. Elle s'appelle Shay Yongli. Et en fait, elle a juste trois rôles à son actif jusqu'ici. Et elle a un jeu plutôt prenant. Et sa palette émotionnelle, en fait, fait qu'on arrive quand même pas mal à s'attacher à elle. Hein. En plus, comme elle a des grands yeux, si tu veux, du coup, ça. Quand t'as un personnage avec des grands yeux, en fait, l'émotion passe d'autant plus facilement. Et du coup, tu étais plus capté, en fait. Et d'une manière générale, en fait, les personnages sont bien définis, sont bien joués, de toute façon. On verse un poil dans le caricatural avec le personnage de l'actrice, mais c'est pas bien grave. Techniquement, je peux rien dire, en fait, à part part un petit raté de SFX rapide, voilà, sur un serpent, il n'y a rien à dire. Surtout au niveau du travail de lumière, parce que bon, je leur dis, on a une esthétique assez travaillée. J'ai un bémol cependant sur les décors. Ils sont pas mal, hein, mais j'ai du mal à les rapporter tous à un même lieu. On sent bien que le réalisateur sait bien utiliser leur potentiel, par contre. Mais ça, après, ça vient peut-être de moi. Voilà. Et mon deuxième bémol, c'est sur le fait que bah il y a un genre de fausse fin, quoi. Tu sais, genre, oh, tu crois que c'est fini? Eh ben non. Et bah en tout cas, quand on, voilà. En tout cas, quand on pense que voilà, ça se termine, voilà, faut pas y penser trop trop vite. Et heureusement que c'est pas trop trop lourd. Voilà. C'est juste que ça m'a un peu lassée. Mais d'une manière générale, en fait, ça a été un visionnage assez positif pour moi. Et je suis plutôt contente parce que j'avais maté justement les trois autres films de la sélection avant ça, dont The Other Side avec toi, Nio. Et comme je suis en maths exige, tu vois, je commençais à me poser des questions sur mes choix. Donc, bref, le film est un peu séduisant, est un film séduisant. Et pour le reste, en fait, bah, j'invite les auditeurs à lire la critique de Nicolas Bardeux sur le polyester, qu'on parle aussi, qui est assez intéressant. Ou à un moment même, il parle de Suspiria, tout ça. Enfin, bon, bref. Donc voilà. C'était rapide, mais c'était The Cursed Lesson que je recommande. D'accord. Donc, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Enfin, je dis déjà, je sais même pas combien on en est de temps. Hein. Ouf. Ouais, On a non, quand c'est même bien. parlé pas mal de trucs. Non, Non, on est ça bien, va. on est dans nos temps habituels, dans les biens. Ok. Bon, la semaine prochaine, je sais pas pour vous, mais moi, je parlerai. Je pense que je parlerai du dernier film que j'aurais vu de la sélection de Gérard May. Et puis, On peut peut-être faire un truc buddy movie, tiens, parce que. ouais, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas? Et Bah moi j'ai rien planifié, et toi? Donc, ça se trouve, je vais peut-être changer d'avis, je vais voir le truc, je vais me dire, oh putain, mais qu'est-ce qu'il est naze! Je peux pas, je veux pas en parler, je vais oublier. On verra bien. Donc voilà, bah, en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. Et bah, continuez à voir des films, tout ça, tout ça. Bisous! Ok, à la semaine prochaine les copains.